chop that every day. Oui c'est big money, big team, big pass. On fait le taf, big ass. Sans un fin fond dans la gova, la malade. On lâche jamais, toujours big class. Et t'as beau parler. On se verra un de ces quatre. Marseille, Rafale, Rafale, t'es qu'un Moubarak. Doule et psychiatre. Ça gratte sa job, ça boite sa deal. Ça veut mettre le R1 droit. Y'a des talents mal pris que ça tire. De partout dans le N3. Ça gratte sa job, ça boite sa deal. Ça veut mettre le R1 droit. Y'a des talents. Après le TP, ça finit à bébé. Le T-Max, le GP, le calibre, le peupon. La daronne, le charbon, les baumettes, les matons. La gueule du matin, pétard au balcon. Dis wesh au voisin, je fais le signe au passant. Le gratteur, le maçon, le loyer au casin. Mon cassin, raptage au tassin. Je bouge le bassin, je rase la massa. La mise qui est passée, elle avait des gros seins. J'ai plus d'émotion, je fais que bosser. Je vois plus ma gadji, j'ai plus de boussa. La barbe a poussé, plus les blêmes, les poussettes. Un 3 c'est ma ville, mon inspi, ma recette. Ça veut les recettes, le R1, le réseau. Faire gérer le gérant, refaire à la maison. Je rappelle ce que la rue adore, dit que les miradors. Je fais de la moula, dis-moi qui m'accuse à tort. J'avais la Clio 2 et je zonais ta rentorde. Je prenais le micro, je mettais le game en pause. Découpe les lamelles, le quartier c'est cruel. Elle m'a demandé mon tel, mi amore, je suis un mauvais d'elle. M'en bats les coups de ton cul, bah bah bah. Pour les rallies, ça fait ra ra ra. Hein. Sur l'autoroute, on fait du 200 remontada. Tu veux toucher ton radada. T'es un code des castons de la gilet mini fils depuis de ma vie, au moins on éclaire. Tu leur tends la main, ils te font des coups bizarres pas derrière. J'ai l'oreille qui siffle, qui siffle, qui siffle. Ils méritent que des gifles, des gifles, des gifles. T'inquiète, on va se venger avant de se ranger. Avant, on va manger, bouger à l'étranger. Ça gratte sa job, ça braque sa deal. Ça veut mettre le R1 droit. Y'a des talents mal pris que ça tire. De partout dans le N3. Ça gratte sa job, ça braque sa deal. Ça veut mettre le R1 droit. Y'a des talents mal pris que ça tire. De partout dans le N3. Ça gratte sa job, ça braque sa deal. Ça veut mettre le R1 droit. Y'a des talents mal pris que ça tire. De partout dans le N3. Ça gratte sa job, ça braque sa deal. Ça veut mettre le R1 droit. Y'a des talents mal pris que ça tire. De partout dans le N3. Tu t'es mis en mode loup pour du cash. Un regard travers, tu te fais menacer. Ça fait des grosses sommes, ça bande de lacets. La police s'aime, ça peut te casser. Ça fait les gangsters, locaux sont passés. Ça pense à brasser, ça pense à troisser. Ça veut te croiser, ça coupe le bracelet. Move, tu connais, un 3 abonné. Avec les petits cash, dis merci la zone. J'ai les cordes vocales, des virages du vélodrome. Je danse que le Mia comme à Kenaton. Je parle avec les mains, oui j'en fais des tonnes. Même dans The Voice, je parle comme la zone. Y'a que pour les miens que je charbonne. Les vrais bijoux ne sont pas sur la place Vendôme. Y'a que sur mes dents qu'il y a une couronne. Je suis comme Drogo, moi je brûle le trône. Dans le rap, je vois loin.